Alors, vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. Et nous partons maintenant au Mexique avec Marie-Claude Dionne qui nous fait le résumé d'une découverte concernant une séculture maya où les corps sont curieusement disposés. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors oui, la semaine dernière, j'ai vu circuler cette nouvelle où le National Institute of Archaeology and Anthropology du Mexique annonçait qu'une équipe d'archéologues de leur centre de recherche avait fait une découverte assez particulière sur le site de Tlapan, un ancien village d'il y a à peu près 2400 ans qui se situe à peu près au sud de la ville de Mexico, pour la situer géographiquement. Et la découverte en question consiste à une tombe contenant 10 squelettes disposés de façon plutôt singulière. En effet, les squelettes ont été méticuleusement placés dans une formation circulaire et on peut voir certaines parties de leur corps qui sont imbriquées, si on veut, les uns dans les autres. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard pour mieux expliquer. Les chercheurs n'ont jamais rien vu de tel auparavant sur d'autres sites archéologiques de la Mésoamérique, donc du Mexique. Mais il faut noter aussi qu'il n'y a rien de tel qui a été trouvé nulle part ailleurs dans le monde non plus. Alors, de façon générale, à quoi ressemblent les tombes et les sépultures funéraires de cette région? Il faut commencer avec l'idée qu'on connaît peu de choses sur cette population qui habitait dans cette ville-là. Toutefois, on sait d'après les dates que c'est des gens qui font partie de la civilisation maya. Et ça, on connaît un peu plus de choses. Pour cette civilisation-là, lorsqu'on parle des rites funéraires, on voit normalement une personne par tombe. À l'occasion, on va retrouver plusieurs personnes qu'on parle de sacrifice. Mm-hmm. Mais normalement, c'est toujours une par sépulture. On sait aussi que l'élite était toujours enfouie dans une tombe accompagnée d'objets qui vont indiquer la plupart du temps le statut dans la société. Mm-hmm. C'est un rituel qui est connu d'ailleurs ailleurs dans le monde, justement, comme dans la civilisation égyptienne. Et le fait d'enfouir les corps dans les tombes sous terre, ce qui en soi pas très surprenant, mais ça devient un peu plus symbolique pour les Mayas. On pensait dans ces temps immémoriaux que le Xibalba, qui en fait le monde des morts, se trouvait sous terre, un peu comme notre enfer, si on veut. Donc, l'acte de déposer le corps sous terre permettait aux défunts un accès plus facile à l'autre monde, qui n'était pas un enfer pour eux, mais vraiment un monde qui avec tout le monde à l'intérieur. Donc, okay. un monde joli quand même aussi. Aussi, on va voir que les corps sont alignés la plupart du temps vers un axe nord, vers le nord en fait, ou bien vers l'ouest, qui est encore une fois dans la symbolique maya, deux directions qui sont reliées au monde des morts. Et une autre chose, c'est qu'on a la couleur rouge qui est associée à la mort aussi. Donc, on va voir les cadavres qui vont être saupoudrés de copeaux de cinabre rouge, qui est un minerai de mercure, mm-hmm. et on les enveloppe ensuite dans du coton pour l'enterrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'après-vie maya, même si je parlais d'un monde assez joyeux aussi d'après-mort, il y a quand même des êtres terrifiants, des démons qui pouvaient facilement blesser quelqu'un qui allait dans son voyage vers le paradis. Donc, on peut croire que le cinabre rouge pouvait déguiser, si on veut, l'âme du défunt contre les esprits malveillants et aider ainsi le défunt dans son voyage à travers la vie après la mort. Alors, est-ce que l'on retrouve dans les tombes dans la tombe qui vient d'être découverte certaines de ces pratiques déjà connues? Mais outre le fait que la tombe est creusée dans le sol, ce qui était la norme, et qu'on a quand même quelques objets qui vont accompagner les corps des défunts, les archéologues n'ont pas décelé de cinabre et la disposition des corps, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, n'est vraiment pas alignée vers le nord ni l'ouest. Il est vraiment circulaire. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Pour le moment, les analyses ont pu démontrer, ils ont pu identifier certains corps. Donc, on sait qu'on a la présence de deux femmes, d'un homme, d'un enfant et aussi d'un bébé parmi les 10 squelettes. La majorité des squelettes seraient des jeunes adultes aussi, mais en raison de l'humidité qui est présente dans la zone d'enfouissement, les ossements sont fragiles et on ne peut pas fouiller comme bon on veut. Donc, les chercheurs vont continuer tranquillement à nettoyer la zone, mais ils vont le faire de sorte à ne pas abîmer les vestiges humains. Donc, on utilise des brosses à poils doux, des poires à succion aussi. Et une fois que les squelettes seront tous dégagés, et là, ça va être un petit peu plus facile d'identifier l'acte qui est fait par les anthropologues physiques pour avoir une idée de l'âge et du sexe des autres individus qui font partie de la tombe. Fait intéressant, certains des squelettes avaient dans la creux de leur paume de main des sphères en céramique et des pierres aussi. Mm-hmm. Aussi, on se retrouve avec probablement deux squelettes et probablement plus aussi, squelettes qui ont un crâne déformé. Déformé. Les signes de cette déformation crânienne-là, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est connu parmi les anciens méso-américains. On sait toujours pas, à l'heure actuelle, pour quelles raisons on déformait le crâne de certaines personnes, mais on suppose qu'il s'agissait d'une manière de se différencier, parce que c'est vraiment pas toute la population qui a des crânes déformés. Donc, c'est sûrement un signe d'appartenance à un certain groupe ou à un statut social. C'est sûr qu'on peut aussi supposer que c'est peut-être juste un souci d'esthétisme. Mm-hmm. Peut-être qu'on trouvait ça beau. Les anthropologues ont aussi détecté une usure généralisée des dents, ce qui n'est pas trop surprenant. L'hygiène dentaire n'était probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mm-hmm. Et il faut rajouter qu'on a aussi remarqué que plusieurs dents de ces squelettes avaient subi des modifications. Et des modifications de quelle nature? En fait, il existe quelques altérations dans le monde des Mayas, ce qui est encore une fois pas très insolite. C'est quand même assez connu. Il y avait deux types de modifications. On parle d'une incrustation de matériaux dans une ou dans plusieurs dents et le limage aussi pour changer la forme des dents. Ces altérations vont se retrouver autant chez les femmes que chez les hommes. Et la plupart du temps, on les retrouve chez les individus un petit peu plus âgés, donc 15 ans et plus. Tout comme la déformation du crâne, le raisonnement derrière cette pratique-là n'est pas bien comprise encore, et les hypothèses tournent sensiblement autour des mêmes choses que celles de la déformation crânienne. Donc, soit une appartenance à un certain groupe, un certain statut social, ou bien une modification qui était qualifiée de jolie, donc esthétique encore. Mm-hmm. Alors, ce qui est surprenant dans cette découverte, c'est donc l'arrangement des corps. Ouais, exactement. C'est vraiment du jamais vu en Amérique centrale. Et comme je l'ai dit, nulle part ailleurs, on a retrouvé des telles dispositions. On retrouve donc dans cette tombe des individus qui vont se chevaucher un sur l'autre. Par exemple, la tête de l'un va reposer sur la poitrine de l'autre, les mains d'un autre individu vont se retrouver sous le dos d'une autre personne et le corps du bébé est déposé sur le corps d'un des adultes. Cette disposition-là pourrait laisser croire qu'ils sont tous apparentés, qu'ils sont comme des membres d'une même famille. Mm-hmm. Chaque corps est placé sur le côté aussi et les os des bras sont tous entrelacés. Bon. On ne connaît pas non plus la cause de la mort de ces gens-là. Est-ce que c'était naturel, un accident ou... Est-ce qu'ils sont tous morts en même temps? Exactement. Mm-hmm. On n'a vraiment aucune idée. Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire un peu plus de recherche là-dessus. Et ça se peut aussi qu'on ne connaisse jamais la raison. Donc, tout est possible. Bien que le but exact ou, disons, la raison de la sépulture soit inconnue, les chercheurs soupçonnent qu'elle faisait partie d'un rituel élaboré. Et là, faut quand même faire une différence entre le mot rituel et sacrifice, là. Donc, les deux, oui, peuvent faire partie du même processus, mais ils sont pas toujours inclusifs. Donc, ils sont pas toujours attachés l'un et l'autre. Il faut vraiment voir la chose comme étant un geste qui est élaboré. Donc, il y a un sens qui nous échappe, oui, mais il y a vraiment quelque chose d'une élaboration qui était voulue. Une des interprétations données, qui est encore, on navigue encore dans le symbolisme, c'est celle d'une représentation de la vie. Donc, on parle du cercle de la vie souvent, là, donc ça rappelle ça. On retrouve tous les âges, on a toutes les étapes de la vie, donc, et on a autant la présence de femmes et d'hommes. Et quelle sera la suite des choses pour ce site et cette découverte en particulier? Il va être nécessaire de poursuivre les fouilles archéologiques d'une part, oui, mais aussi de continuer les analyses qui ont été entreprises sur les ossements qui ont été découverts et aussi sur les artefacts qui accompagnent les corps. La découverte du site à lui seul, qui n'était pas connu, hein, le site était vraiment découvert à partir de 2006, permet entre autres d'ajouter une pièce au puzzle des établissements de la région pour la période préclassique maya. Donc déjà là, on a une information nouvelle, mais espérons que les prochaines fouilles de la région même vont permettre de découvrir d'autres, peut-être un autre exemplaire d'un type de disposition des corps comme ça. L'accumulation de données seule va pouvoir révéler peut-être un jour le contexte d'une telle sépulture. Et oui, les découvertes archéologiques sur les civilisations précolombiennes n'ont pas fini de nous surprendre ni de nous intriguer. Alors on va attendre la suite. Merci beaucoup Marie-Claude. Merci.